Chapitre 19. Faiblesse paternelle. Mademoiselle Primrose entrant chez Monsieur Dormer. « Eh bien, mon cousin, votre Georges vient de faire une jolie méchanceté. » Monsieur Dormer souriant. « À Geneviève, sans doute. Il lui a emmêlé un écheveau de laine ou déchiré une robe ?» Mademoiselle Primrose. « Non, je ne vous aurais pas dérangé pour si peu de choses. Ce n'est pas à Geneviève qu'il a joué un tour abominable, mais à moi. » Monsieur Dormer. À vous, ma cousine, comment aurait-il osé? Il y a sans doute quelque erreur. Mademoiselle Primrose. Aucune erreur n'est possible, monsieur. Et quant à oser, votre méchant Georges ose tout. Pourquoi n'oserait-il pas? Il sait qu'il n'y a rien à craindre. Monsieur Dormer. Mais qu'est-ce donc, ma cousine? Veuillez m'expliquer. Mademoiselle Primrose. Cela sera facile à comprendre. Vous connaissez le portrait que j'ai fait de Rame. Monsieur Dormer. Certainement, et peint avec beaucoup de talent. Est-ce que Georges se serait permis de le blâmer? Mademoiselle Primrose. Ce ne serait pas un grand crime. D'abord, il n'y connaît rien, et son jugement m'importe peu. Et puis, chacun est libre d'avoir son goût. Monsieur Dormer. Mais qu'a donc fait Georges? Je ne devine pas en quoi il a pu vous fâcher à propos de ce portrait. Mademoiselle Primrose. Il a imaginé d'abîmer mon travail qui représentait un homme qu'il déteste, qui appartenait à Geneviève, qu'il cherche à chagriner de toute façon, et qui était fait par moi, qu'il n'aime pas davantage. Monsieur Georges est monté sur une chaise après avoir pris ma palette, mes couleurs et mes pinceaux. Il a barbouillé la figure de Rame, il lui a peint deux cornes sur la tête, il a couvert de noir son bel habit rouge, et pendant qu'il était à ce beau travail, il a été surpris par Rame, qui n'était pas sorti avec nous et qui l'a pris sur le fait. Ainsi, il ne pourra pas nier cette fois. » Monsieur Dormer irrité. « Georges a fait cela. Rame est-il bien sûr que ce soit lui ?» Mademoiselle Primrose. « Puisqu'il l'a vu, de ses yeux vus. Rame a jeté un cri et il a couru dans le parc pour m'avertir. Nous sommes revenus avec lui et nous avons tous vu ce que je viens de vous dire. » Monsieur Dormer avec colère. « C'est trop fort en vérité, ce n'est pas supportable. Où est-il ?» Mademoiselle Primrose. Je n'en sais rien. Vous pensez bien que, se voyant découvert, il n'est pas resté là à m'attendre. Il se sera sauvé quelque part. Monsieur Dormer sortit de son cabinet, suivi de Mademoiselle Primrose, et commença par rentrer chez Georges, qu'il trouva, à sa grande surprise, endormi, la tête et les bras appuyés sur son livre. Georges ! S'écria Monsieur Dormer. Georges s'éveilla en sursaut, se frotta les yeux comme quelqu'un qui a peine à les ouvrir, et répondit d'une voix endormie. « Quoi, papa, je dormais, j'étais fatigué de lire. » Monsieur Dormer. « Pourquoi as-tu abîmé le portrait de Rame peint par ma cousine ?» Georges. « Abîmé ? Le portrait de Rame, moi ? Comment ? Quand ?» Monsieur Dormer. « Tout à l'heure, monsieur, et Rame vous a vu barbouillant ce portrait. » Georges. « Rame, où donc ? Je n'ai pas vu Rame. » Je n'ai pas vu le portrait. Monsieur Dormer. Vous étiez chez Mademoiselle Primrose et Rame y est entré. Georges. Je n'ai pas été chez ma cousine, je ne comprends rien, je ne sais pas ce que vous voulez dire, papa. Monsieur Dormer commençait à douter et à regarder Mademoiselle Primrose avec étonnement. La cousine, qui connaissait la fausseté de Georges, s'étonnait aussi, non pas de l'accusation dont elle ne doutait pas, mais de l'impudence de Georges et du calme avec lequel il niait. Mademoiselle Primrose. « Comment, Georges, vous osez nier avec autant d'assurance ce que Rame vous a vu faire et ce que j'ai fait ?» Georges. « Mais qu'est-ce qu'il m'a vu faire? C'est cela que je vous demande, ma cousine. » Mademoiselle Primrose. « Il vous a vu monter sur une chaise, barbouillant son portrait de noir et de rouge. » Georges. « Ah, par exemple, il n'osera pas le répéter devant moi. » « C'est ce que nous allons voir, » dit Mademoiselle Primrose avec indignation. Elle sortit précipitamment. Monsieur Dormer serrant les deux mains de Georges. « Georges, je t'en supplie, dis-moi la vérité, à moi seul, à moi, ton père, qui t'aime, qui te croit, qui te pardonnera si tu avoues franchement ta faute, laquelle, au total, est plus une espièglerie qu'une méchanceté. Dis-moi, mon fils, est-ce Rame qui s'est trompé en croyant te reconnaître, ou si c'est toi qui me trompes en niant la vérité ?» Georges eut un instant d'hésitation, il fut sur le point d'avouer sa faute, de se jeter au cou de son père dont la bonté le touchait. Georges. « Papa, dit-il, papa, Ram s'est trompé, il a pris un autre pour moi, je vous jure que je ne l'ai pas vu depuis le déjeuner. » « Je te crois, mon ami, je te crois. J'entends ma cousine. Je la détromperai, car elle est persuadée que c'est toi. » Georges. « Et chassez ce vilain Ram, mon cher papa, qui cherche toujours à me nuire près de vous. » Mademoiselle Primrose. « Voici Ram que je vous amène, mon cousin. Interrogez-le vous-même, vous jugerez après. » Monsieur Dormer. « Ram, quand avez-vous vu Georges et qu'avez-vous vu ?» Ram. « Moussu Dormer, moi entrer chez Mlle Primrose, moi voir Moussu Georges monter sur une grande chaise rouge, lui tenir dans les mains pinceau, palette à Mlle Primrose, moi voir pauvre Ram avec corne, avec habit laid, noir, moi effrayé voir Ram diable, moi pousser grand cri, et moi courir vite chercher Mlle Primrose et petite maîtresse. Voilà quoi voir Ram. » Monsieur Dormer. Mon cher, Georges n'a pas bougé de sa chambre. Vous vous êtes trompé, ce n'était pas Georges. Ram. Moi, sûr avoir vu Moussu Georges, moi jure c'était Moussu Georges, lui faire Ram diable. Monsieur Dormer. Et moi je vous dis que vous êtes un menteur et que je ne crois pas un mot de ce que vous dites. Et comme je ne veux pas que mon fils soit victime de votre méchanceté, je vous chasse de chez moi et je vous défends d'y jamais rentrer. Petite maîtresse, petite maîtresse! S'écria douloureusement le pauvre Ram. Et il se jeta aux pieds de Mademoiselle Primrose en implorant sa protection. Georges triomphant. « Et puis, papa, si j'avais peint tout cela, comme dit Ram, j'aurais de la couleur aux mains, et voyez les miennes, elles sont propres et sans couleur. » Ram restait atterré des paroles de Monsieur Dormer et de l'impudence de Georges. Mademoiselle Primrose n'était pas moins indignée, mais elle n'avait aucune preuve pour justifier le pauvre Ram et démontrer les mensonges de Georges. Se tournant de tous côtés pour trouver quelques traces de couleur, elle aperçut la cuvette pleine d'eau rouge et noire. Mademoiselle Primrose. « Qu'est-ce que c'est? Il y a de la couleur dans cette eau sale ?» Georges tressaillit et rougit, mais ne répondit pas. Mademoiselle Primrose s'approcha de lui, saisit ses mains, et les regardant attentivement, elle aperçut sous les manches de la veste celle de la chemise qui était tachée de noir et de rouge. Elle retourna promptement les manches de drap. Le dedans avait de la couleur rouge et noire toute fraîche, la chemise également. Mademoiselle Primrose. « Qu'est-ce que c'est, monsieur Dormer? Est-ce de la couleur? Qu'en pensez-vous? » Monsieur Dormer, éclairé sur la vérité, repoussa rudement Georges qui tomba dans un fauteuil en cachant son visage avec ses mains. Mademoiselle Primrose. « Parlez, monsieur Dormer, parlez. Lequel des deux mérite d'être chassé ?» Monsieur Dormer ne répondit pas d'abord, mais sur l'insistance de Mademoiselle Primrose, qui tenait à ce que justice fût faite, il se leva. Son visage pâle et altéré répondit par avance à l'interrogation de Mademoiselle Primrose. « Laissez-moi de grâce, dit-il, laissez-moi seul avec Georges. « Reste-toi, continua-t-il en s'adressant à Georges qui cherchait à sortir. « Mais avant de laisser partir ta cousine et Ram, demande-leur pardon. Tout de suite, obéis-moi, à genoux !» Et appuyant ses mains sur les épaules de Georges, il le força à se mettre à genoux et à répéter les paroles d'excuse que lui dictait son père. « À présent, dit Monsieur Dormer, laissez-moi ma cousine et emmenez votre pauvre Ram. » S'approchant de Mademoiselle Rose, il lui dit très bas. « Je vous prie, ma chère cousine, de ne parler de tout cela à personne, et dites à Ram de ne pas en parler dans la maison. » Mademoiselle Primrose lui serra la main au signe d'assentiment et sortit avec Ram. Quand Monsieur Dormer resta seul avec Georges, il lui dit avec tristesse. « Vois, Georges, ce que tu as amené par ton indigne conduite. Au lieu d'expier ta méchanceté par un aveu complet de ta faute, tu mens, tu laisses accuser un domestique auquel je suis forcé de te faire faire des excuses. Oh, Georges, quelle honte pour toi et pour moi! Crois-tu que je n'ai pas partagé ton humiliation? Pourquoi ne m'as-tu pas tout avoué quand je te l'ai demandé avec une tendresse qui aurait dû t'ôter toute crainte? Je ne peux plus te mettre en présence de Mademoiselle Primrose et de Ram, ce malheureux Ram que tu voulais me faire chasser. Ce soir, je t'emmène à Paris. Nous irons achever les vacances chez un de mes oncles, et tu iras continuer tes études à Arcueil, dans le collège des Pères Dominicains. Mais Georges, réfléchis sur ta conduite. et si tu veux que je te pardonne, promets-moi de ne plus me causer des chagrins qui me rendent si malheureux. » Georges. « Oui, papa, je vous le promets. Vous serez content de moi à l'avenir, croyez-le. » Monsieur Dormer embrassa Georges, qui avait retrouvé son calme depuis qu'il se sentait délivré de la crainte d'une punition plus sévère qu'il savait avoir méritée. Le reste de l'après-midi fut employé à tout préparer pour le départ. Vers 5 heures, la voiture, chargée de leur mal, alla les attendre sur la grande route. Ils prirent le chemin de fer et arrivèrent à Paris 2 heures après. À l'heure du dîner, un domestique apporta une lettre pour Mademoiselle Primrose. « Mademoiselle Primrose. » « De qui cette lettre, Pierre ?»« Pierre. » « De monsieur. Il m'a commandé de la remettre à Mademoiselle à 6 heures. » « Mademoiselle Primrose. » « De Monsieur Dormer, que peut-il avoir à m'écrire ?» Mademoiselle Primrose lut la lettre avec la plus grande surprise. Elle lui annonçait le départ, l'absence de Georges, son entrée au collège d'Arcueil et la résolution de Monsieur Dormer de vivre seul à l'avenir. Il la priait instamment de placer Geneviève dans un pensionnat dont il laissait le choix à sa cousine. Il ajoutait que Ram devait chercher à se pourvoir d'une place ou d'une occupation quelconque, car il ne rentrerait lui-même à Plaisance que lorsqu'il serait assuré de n'y plus trouver ce qui avait occasionné à son fils et à lui-même une humiliation qu'il ne pourrait jamais oublier.